Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode supplément de Tech Café, l'épisode où on vous diffuse les actualités qui étaient prévues dans la veille, dans la préparation de l'émission et qu'on a préféré mettre de côté pour vous en faire bénéficier à part, pour pas faire un épisode hebdomadaire trop long. Je suis Guillaume Vendée et j'ai l'immense plaisir et bonheur de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, l'invité du week-end. L'invité du week-end et de la semaine et l'invité permanent quelque part. Dans cet épisode, alors donc si vous vouliez l'actu hebdomadaire, remontez d'un épisode avant d'écouter celui-ci. Enfin quoique, à la limite vous pouvez très très bien comprendre cet épisode sans écouter le précédent, c'est pas du tout un souci. Mais si vous voulez l'actualité phare avec évidemment tous les déboires de Facebook, vous allez arriver à me prendre à l'histoire, il y a trop de personnages et tout sinon. Il n'y a pas de preview Sleon en plus, donc ça marchera pas. Non, si vous voulez les infos phares, écoutez plutôt l'épisode précédent. Mais dans cet épisode, on va vous parler, je vous avais promis, on va vous parler de japonais qui font du porno. Qui travaillent sur du porno avec de l'intelligence artificielle et qui malheureusement finissent en prison, quelques indicateurs sur la collecte de données pour les assistants vocaux, et puis l'acteur de Ransomware qui s'est fait prendre à son propre jeu. Mais on va commencer, Guillaume, parmi tous ces éléments que tu avais préparés, par Tesla qui va diablement bien dans ses revenus, il va même mieux que jamais, avec des ventes records en Europe et puis surtout une grosse commande de la part d'une entreprise de location. Ben ouais, ça roule, hein, si j'ose dire. Tesla. Oh, bravo! Parce que Hertz vient de leur commander 100 000 véhicules. C'est énorme, hein. C'est la plus grosse commande de véhicules électriques qu'on a jamais vue, en fait, tout simplement. D'ailleurs, tu disais que la Model 3 était la voiture qui se vendait le mieux, la voiture électrique. La plus vendue en Europe, mais même pas électrique en fait, elle est même devant la Clio, je crois. Ouais, c'est assez dingue dans les derniers résultats du trimestre. Ça, c'est incroyable. Bah voilà, enfin du coup, Tesla. Et c'est la première fois, excuse-moi, et c'est la première fois justement que c'est une électrique, et c'est la première fois que c'est pas une européenne qui est première, je crois. Donc ouais, voilà, c'est le modèle le plus vendu en Europe, toute motorisation confondue, c'est assez historique. Ah ouais, carrément, ça m'étonne énormément. En tout cas, ça justifie que Tesla du coup soit désormais évalué à plus de 1000 milliards de dollars, donc soit autant que Facebook, hein. Bon, Apple lui, il est toujours autour des 2500 milliards, mais bon, c'est autre chose. Donc c'est quand même énorme. Et puis il a gagné 1,6 milliard net ce troisième trimestre. Et ça en pleine pénurie mondiale de composants, pas mal, hein, parce qu'il y a quand même des usines entières à l'arrêt de voitures. On a vu des gros manques à gagner donc chez les fabricants de voitures, chez les constructeurs. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Donc il a une marge qui grimpe à 14,6%. Ça semble pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, Tesla va changer de technologie de batterie pour les modèles 3 et Y, hein, qui sont le gros des ventes, hein, globalement. Donc il va passer du nickel-cobalt-aluminium au lithium fer phosphate. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les lithium fer phosphate, elles ont une durée de vie plus longue. Bon, elles ont aussi une densité énergétique plus faible, donc en gros, il en faut plus pour faire autant d'énergie. Mais comme elles sont plus stables et qu'elles sont moins enclines à surchauffer et à prendre feu, du coup, on peut se passer d'un certain nombre de protections. Il y a beaucoup de protections qui sont nécessaires pour les cobalt-alus. En cas de crash, par exemple, ce serait assez facile qu'il y ait des courts-circuits qui créent une réaction en chaîne et que ça prenne feu, ce genre de truc. Là, c'est beaucoup moins, elles sont beaucoup moins enclines à faire ça. Et donc, l'un dans l'autre, finalement, si tu enlèves toutes ces protections, ça compense un petit peu. Bon, il reste quand même un problème quand il fait très froid, mais bon, heureusement, pour ça, le réchauffement climatique, il pourvoira, donc je pense que c'est un bon pari d'avenir. Après, la techno lithium phosphate, c'était principalement une technologie chinoise, et donc il y a aussi tout un tas d'étapes administratives, de brevets, de trucs, machin, qu'il a fallu sans doute passer avant de pouvoir changer globalement la technologie, quoi. J'ai d'ailleurs les chiffres au passage, hein, c'est 24 591 unités de Model 3 qui ont été vendues en Europe sur le mois de septembre devant la Renault Clio qui est donc deuxième avec 18 264. Un mot peut-être aussi sur l'adaptation, pourquoi est-ce que Tesla s'en sort mieux que les autres constructeurs? C'est aussi parce que, alors j'imagine que les chaînes d'approvisionnement sont pas exactement les mêmes, mais la manière dont ils réfléchissent leurs véhicules basés sur du logiciel leur permettent assez facilement, tout est proportion gardée bien entendu, de remplacer un composant par un autre s'il vient à manquer, parce que d'un point de vue logiciel ils peuvent s'adapter, ce qui est moins le cas chez les autres constructeurs. Donc je pense c'était que ça... alors moi j'aurais pas dit ça, enfin, tu sais, moi j'aurais pas dit ça a priori. Je te crois, mais moi, si tu veux, c'était pas intuitif pour moi, parce qu'au contraire, c'est des voitures où il y a énormément d'électronique, où il y a de l'électronique de pointe quand même, parce qu'il y a les processeurs Tesla qui font tourner les modèles de deep learning qui sont utilisés dans le full self-driving. C'est quand même des trucs, tu vois, de très, enfin, s'il y en a pas, il y a pas de full self-driving, quoi, tu vois, mais il y a pas non plus d'assistance à la conduite, aucune, enfin. Justement, je pensais que ça les rendrait plus vulnérables, et je suis très surpris, en fait, de voir que c'est pas le cas. Bon, d'ailleurs, puisqu'on parle de full self-driving, on peut aussi parler des quacks, un petit peu, dans les nouvelles versions qui sont arrivées. D'ailleurs, je propose qu'on rebaptise le FSD, full self-driving, en PFSD, pseudo full self-driving. Voilà, c'est ça, ou en HSD, c'est le half self-driving, ou un truc comme ça. Parce que, ouais, la dernière version a quand même fait peur, hein, pas mal à quelques clients. Bon, globalement, c'est une version qui fait défaut positif, donc qui freine, voilà, des fois sans raison. Et ça, c'est quand même pas rassurant, il faut bien le dire. Donc la 10.3 a été retirée, on est revenu à la 10.2 momentanément, et là, apparemment, la 10.3.1 devrait être en ligne. Bon, c'est des corrections de bugs, hein. T'as vraiment l'impression de faire partie d'un bêta-test quand même, hein, à ce niveau-là. Et pour 10 000 dollars, ça fait quand même relativement cher le bêta-test, et surtout, il n'y a toujours aucun changement de fond dans le FSD, hein, donc comme l'appelle pourtant le NTSB, donc le National Transportation Safety Board, donc le truc de la sécurité routière américaine, dont Tesla finalement ignore les demandes souverainement depuis à peu près, je sais pas moi, 2 ans. Il y en a 2 en particulier, hein, qui est un système de surveillance plus évolué pour juger de l'attention du conducteur. Bon, ça, c'est plus ou moins en cours de déploiement avec des nouvelles caméras. Et puis aussi, surtout, bon, la limitation du système donc de FSD, entre guillemets, aux voies rapides, ou disons dans les situations plus simples pour lesquelles finalement elles sont les mieux adaptées et les plus sûres. Et ça, évidemment, tout ça, ce serait aussi bien, sans doute, comme on est en train de dire, d'arrêter d'appeler un système de niveau 2 « full self-driving ». Mais bon, évidemment, si tu appelles pas ça full self-driving, ben Tesla ne pourra peut-être plus le facturer 10 000 balles. Donc tu comprends, c'est compliqué. Tu sais que sur la version que j'ai de base, donc la conduite autonome de base, donc sur les voies rapides, maintien dans la voie et des distances, etc., je suis estomaqué de voir à quel point la voiture est en panique. Tu sais, quand tu es sur une voie, une seule voie, qui s'élargit et qui se retrouve face à une double voie. Et donc là, la voiture doit choisir. Écoute, les embardés que ça fait, c'est ahurissant. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui pouvoir acheter un véhicule qui est de la conduite autonome quand tu vois ce qui se passe avec les versions de base sur les conditions les plus idéales, quoi. Tu devrais te dire, mais elle devrait suivre la partie de droite, tu vois, tout simplement. Enfin, ça semblerait le plus logique. Bah non, elle panique, elle vient à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et alors, quand t'es suivi, je peux te dire que ça peut faire peur derrière. N'achetez pas les Tesla pour leur capacité intelligente. On va parler un petit peu de l'oracle de Delphi. J'ai vu beaucoup passer ce sujet, Guillaume. C'est assez édifiant. Je vois même que tu l'as essayé. Oui, absolument. J'ai voulu savoir si c'était pertinent, selon cette intelligence artificielle, cette sommité, de faire du podcast. Et a priori, oui, c'est pas mal. Mais de faire du podcast avec Guillaume Poggiaspala, c'est encore mieux. Alors, de quoi s'agit-il, Guillaume ? C'est bien. Oui, bah oui, moi aussi, je l'ai essayé. Donc, je peux dire que tuer un chat pour se donner du plaisir, c'est mal, par exemple. Jusque-là, tout va bien. Tuer pour le bien collectif, c'est bien, par contre. Ta créativité va me flinguer. Donc, tuer pour le bien collectif, c'est bien, mais tuer des gens pour le bien collectif, c'est mal. Donc, ça veut dire qu'on peut tuer des chats, je sais pas. Parce que, bon. Donc, boire une bière, c'est bon, mais boire une bière dans le crâne de mon ennemi, c'est mal. Comme quoi, ça marche pas mal, des fois. Mais bon, et après, il y a d'autres fois où c'est plus difficile. Parce que, par exemple, laisser mourir un homme dans les flammes pour sauver une femme, c'est mal. Ah. Bon. Mais laisser mourir un homme dans les flammes pour sauver deux femmes, c'est mal aussi. Pour sauver 10 femmes, c'est mal aussi. Pour sauver 100 femmes, c'est toujours très mal. C'est pas grâce à ça qu'on va résoudre les dilemmes, tu sais, justement, des algorithmes de conduite intelligente qui doivent choisir entre massacrer la poussette ou le monsieur. C'est pas grâce à ça qu'on pourra. Ben voilà, tu vois, là on est mal. Par contre, tu peux laisser cramer un chat pour sauver deux femmes. Ça marche. Bon. Apparemment, on peut laisser cramer un chat. C'est donc évidemment, hein, c'est avec une accroche pareille, hein, c'est faire une IA morale. Delphi a effectivement été énormément testée. Et évidemment, elle a dit beaucoup de conneries, et évidemment, c'est là qu'elle est la plus rigolote. Et je pense que c'est là aussi qu'elle sert le mieux, à mon avis, puisqu'elle sert à montrer les limites de l'exercice, tout simplement. Parce que les gars du Allen Institute ont fait les choses bien, enfin, ils ont fait les choses un peu comme ils s'y attendent, quoi. Hein. Ils ont pris une foultitude de questionnements moraux sur Reddit, dans le subreddit, voilà, il y a plein de gens qui se posent plein de questions existentielles, et donc après ils ont payé, donc sans doute pas cher, hein, des Mechanical Turk sur Amazon, pour noter la moralité d'une assertion, selon la morale classique américaine, en fait. Bon, bah, c'est un truc, évidemment, tout ça, forcément, quand on parle de morale, forcément, c'est aussi culturel, mais bon, donc, c'est une étude américaine. Donc, résultat, bah, on a un modèle de langage qui extrapole la moralité de ce que vous écrivez à partir de tout ça. Sauf que, bien sûr, ce truc, comme tous les modèles de langage actuels, hein, c'est un modèle statistique qui repère et quantifie les corrélations entre des groupes de mots, et puis c'est à peu près tout. Donc, Delphi, comme GPT-3, il analyse que la forme, donc c'est un modèle creux, hein, qui est facilement berné par la formulation d'une phrase. Donc en gros, on peut lui faire dire une chose et son contraire simplement en le formulant de deux manières, positive et négative. Donc c'est une superficialité comme ça qui est récurrente évidemment dans les modèles de langage actuels, et c'est vraiment mis à nu avec Delphi. Tout comme les biais. Tu vois, l'Amérique c'est bien, la Somalie c'est dangereux, être pauvre c'est mal, être riche c'est bien. Alors oui, être pauvre, c'est moins bien qu'être riche, sans aucun doute, mais est-ce que c'est un jugement moral? Est-ce qu'on peut dire qu'être pauvre, c'est mal moralement, tu vois? Bon, ça n'a pas vraiment de sens, mais en fait, on s'en fout, enfin je veux dire, on s'en fout. Delphi s'en fout, parce que Delphi, pour Delphi, la moralité n'existe pas. Delphi ne comprend rien. Delphi, elle voit des tokens qui se suivent, et telle combinaison de tokens, ben, ça penche plus vers le positif que telle autre combinaison de tokens en fonction des combinaisons de tokens qu'elle a déjà vues pendant son entraînement, et puis c'est tout. Mais c'est bien en fait, hein, parce que finalement Delphi, elle est en partie, je suppose, faite exactement pour ça, pour montrer le danger de donner trop de crédit, d'accorder trop d'intelligence à ces intelligences artificielles. J'ai testé là, pendant que tu reparlais, j'ai eu une idée, j'ai mis « Occupy the Capitol to keep Donald Trump as president ». Et donc, bon, ça met que c'est mal. Et il y a quand même un avertissement au-dessus qui dit que le contenu peut être offensant et que, en gros, qu'il faut faire attention quand on le partage. Donc, il faut mieux éviter de le partager. Il y a une petite mise en contexte maintenant. Je ne sais pas si c'était le cas avant ou si c'est une mise à jour qui a été faite, je ne sais pas. Alors bon, est-ce que tu vas pouvoir enfin, Guillaume, nous parler, ça aura fait le teasing de la semaine, de ce japonais qui a exploité l'intelligence artificielle pour contourner des limites sur la diffusion du porno chez lui, qui a mal fini en plus. Bah ouais, bah c'est vrai qu'en même temps, on peut pas dire que les IA servent à rien, regarde, il y a un japonais qui a utilisé du deepfake pour décensurer du porno. Beaucoup plus utile que Delphi quand même. Ben oui, vous le savez très certainement, hein, mais au Japon, on censure les parties intimes. Donc même dans les pornos, elles sont floutées ou pixelisées. Alors, rien à voir avec les poils, hein, c'est vraiment les parties intimes qui sont interdites, on ne peut pas les montrer. Donc, qu'est-ce qui est impossible aujourd'hui avec le deepfake? Ben, que dalle. Donc le gars s'est attelé à la tâche de faire un modèle qui ne remplace pas les visages, mais les tubes et les vagins. Pourquoi pas? Il n'y a aucun souci. Eh ben pourquoi pas? Mais oui, et bon, j'ai pas vu le résultat, je le confesse, j'ai pas trouvé d'exemple. Ton investissement en termes d'investigation n'a pas été jusqu'à chercher des exemples. Eh ben si, mais j'ai pas trouvé. Non mais c'est compliqué, évidemment, tu te doutes bien que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ça a quand même l'air de marcher pas trop mal, puisque le gars s'est fait 96 000 $ en décensurant et en vendant une dizaine de milliers de vidéos. Et donc le porno au poil se vend bien, et même en photo en fait, hein, puisque le gars a été arrêté pour violation de copyright, et évidemment commerce d'images obscènes, donc on prend porno avec poil au Japon, hein, c'est obscène. Donc c'est la première attestation de ce type au Japon, c'est assez inattendu finalement, puisqu'on pensait sans doute que le deepfake exposait plus au problème d'usurpation d'identité, tu vois, de droit à l'image, ce genre de truc. Et puis finalement, bah non, c'est tout bête, hein, tu fais du porno qui montre des sexes, donc voilà, bah, sans pixelisation ou sans floutage, donc tu tombes sous le coup de la loi. Ce qui est rigolo finalement, c'est que ces sexes, ces vagins, tout ce que tu veux, ils sont artificiels en fait, ce ne sont pas des vrais. Bon, après, ça change absolument rien à la loi, puisque même dans les mangas porno ne doivent pas montrer non plus, tu vois, tu dois censurer aussi dans les mangas porno, donc c'est artificiel. Mais c'est quand même assez rigolo, parce que c'est d'imaginer que oui, bah voilà, ces actrices ont des parties intimes qui ne sont pas les leurs, en fait, tout simplement. Bah, comme quand on fait des deepfakes, les visages ne sont pas les leurs, tu vois. Donc c'est, bon, écoute, encore un pas de plus, voilà, dans le deepfake, c'est assez marrant. Est-ce que la bonne solution, ce serait pas plutôt d'utiliser un VPN plutôt que de faire des choses compliquées comme ça? Je me pose la question. Mais bon. Alors, alors ça dépend. Si au Japon, tu veux. J'entends. Mais non, parce que c'est pas les mêmes actrices, simplement. C'est vrai que les Japonais, si on veut rentrer dans les détails, les Japonais produisent du porno non censuré pour l'export. Mais le porno local, enfin qui est destiné à la consommation locale, quoi. Elle est, lui par contre, il est forcément censuré. Donc si tu as des, donc t'as certainement, enfin t'as, mais oui, enfin genre t'as les vidéos qui sortent au Japon et qui sortent qu'au Japon, bah, c'est des vidéos uniques en quelque sorte et dont tu n'as pas, il n'existe pas, en tout cas il n'est pas censé exister de version non censurée. Donc d'où l'idée, enfin d'où l'utilité. L'utilité est un bien grand mot, mais enfin bon voilà, d'où la raison pour laquelle t'as envie de décensurer certaines vidéos spécifiquement. Bah, c'est intéressant. Effectivement, un pas de plus. Allez, on va parler un petit peu des assistants connectés. Il y a un benchmark qui a été fait. Toi, tu penses que les pornos se sont interchangeables. Mais non, il y a des gens qui sont fixés sur des actrices. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, attends, non, mais je pense que c'est des enjeux et je peux comprendre que ce soit des combats que certains veuillent mener à grand renfort d'algorithmes d'intelligence artificielle. C'est normal, c'est normal. On va parler donc des assistants vocaux, des assistants connectés, parce que tu es tombé sur un benchmark qui nous permet de savoir lequel est le plus respectueux, avec des guillemets, de nos données privées, Guillaume. Oui ou pas, mais en plus qu'on parle d'intelligence artificielle, pourquoi ne pas s'attarder un petit peu sur les assistants ? Donc c'est Alexa, Siri, Google, Bixby même, et puis Cortana. Tiens donc, il existe encore lui. Il paraît. Donc ces trucs ont trouvé une place dans pas mal de maisons quand même, hein. Donc en particulier on pourrait se demander ce qu'elles savent sur vous, enfin sous-entendu ce que les papas évidemment de ces assistants savent sur vous évidemment. Alors, à ton avis, quel est l'assistant qui collecte le plus de données ? Mais moi, c'est pas drôle, j'ai le tableau sous les yeux. Bah, mais oui. J'aurais imaginé que c'était un Google et un Alexa, mais j'ai été surpris. Eh bien, en fait, c'est Alexa et c'est pas Google. Alors, la liste de ce que récolte Alexa comme données, elle est très longue. Donc, un échantillon, donc nom, adresse, téléphone, IP, le profil de ta voix, bien sûr. La carte de paiement, ton âge, ton profil, donc dans le sens tes intérêts personnels, ta description même. Mais aussi tes contacts, avec adresse et email, tes relations avec tes contacts, ton historique de navigation, tes streams vidéo, tes streams audio, donc ta musique, ton historique de téléchargement, l'historique de tes achats sur tous les magasins affiliés, toutes les images indexées que t'as mis dessus, les logs de l'appareil, les logs de ta connexion Wi-Fi, bien entendu, ton FAI, bon, j'en oublie. De toute façon, en tout, Reviews.org a recensé 48 types de données collectables, et Alexa en prend 37. Bixby en prend 34, Cortana 32, Siri 30, et Google, et oui, comme quoi, seulement 28. Seulement entre guillemets, mais quand même 28. Donc ce qui en fait finalement le moins invasif, c'est quand même assez extraordinaire. Tout est relatif. Après, qui m'intéresse, ce qui m'interpelle Guillaume sur ce comparatif, c'est que j'ai du mal à percevoir ce qu'on entend par collecte de données par ses assistants, parce que en fait, c'est des données que tu partage avec les plateformes sur lesquelles sont installés ces assistants. Par exemple, Siri, c'est les autorisations que tu donnes, j'en sais rien, sur ton iPhone, etc. Alexa, j'imagine que c'est quand tu configures le truc au départ et que tu renseignes tes données, mais je voudrais pas qu'on soit trompeur en laissant imaginer que c'est quand tu discutes avec ces assistants qu'ils retiennent des informations Ça dépend. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend. C'est-à-dire que, par exemple, si tu demandes à Alexa de te jouer de musique, Alexa va l'enregistrer. C'est tes goûts musicaux, tes centres d'intérêt. Tes goûts musicaux, voilà. Mmh, mais c'est pareil pour tout ce que tu lui demandes de faire, en fait. Absolument tout ce que tu lui demandes de faire est logué, par exemple, tu vois. Mais tu as raison. En particulier, déjà, il y a une bonne partie de ces données qui sert directement aux fonctions de l'assistant. C'est vrai. Enfin, je veux dire, tu vois, si tu dois, tu dis appeler Pauline, il faut qu'il sache qui est Pauline, je veux dire, quelque part. C'est bien normal qu'il ait l'adresse email ou le téléphone de Pauline. D'un autre côté, il sait aussi si Pauline, c'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ta copine, appelle ma sœur, il sait que c'est Pauline, tu vois, ce genre de truc. Il a une idée, en tout cas. Ouais. Voilà, il a une idée. Mais donc, du coup, effectivement, il y a des choses que, par exemple, si tu fais un achat via Alexa, Alexa va l'enregistrer. Il y a énormément de choses aussi qui sont... tu vois, par exemple, Siri, il sait aussi qui est dans ta famille Apple. Parce qu'il sait, pour le partage familial, il doit savoir quels sont tes liens de parenté avec d'autres gens. Bixby, par exemple, se souvient de tout ce que tu as acheté, lui aussi. Donc Google et Cortana, ils se souviennent de tous les lieux que tu as visités. Ils se souviennent de tous les endroits où tu as habité, par exemple. Et ça, que tu aies un téléphone ou pas, en fait. C'est ça le truc. C'est évidemment, si tu as un téléphone sur lequel tu utilises Google Assistant, il y a aussi beaucoup de données du téléphone. Si tu prends un Google Assistant tout seul, il va aussi enregistrer beaucoup de choses, tu vois. Donc, c'est ça qu'on entend. Après, voilà, bon, c'est vrai que on peut trouver ça naturel qu'ils savent énormément de choses, puisque c'est ça qu'ils utilisent pour nous donner pour nous rendre des services, quelque part. Bon, après, on peut aussi trouver ça un peu invasif. parce qu'ils savent énormément de choses, ils écoutent un petit peu tout le temps ce que tu leur demandes, et évidemment, ils gardent la trace de pratiquement tout ce que tu leur demandes. Bon, est-ce que je suis le seul à trouver ça invasif ? Je sais que non, parce que 71% des Américains ont un assistant chez eux, et 61% sont inquiets pour leur vie privée, et 45% ont essayé de les désactiver même. Et d'ailleurs, 38% ils sont pas arrivés. Bon, donc, c'est, je pense que c'est une vraie préoccupation aussi de savoir... Ce que ces assistants savent en plus des téléphones, tout simplement parce que c'est des trucs qui écoutent, tout simplement, et qui réagissent en permanence, tu vois. Et il y a aussi un facteur qui... Enfin, comme tu t'adresses naturellement, t'as pas forcément conscience que ce que tu leur demandes est enregistré, tu vois. Si tu utilises Alexa tout le temps pour écouter ta musique... t'as peut-être pas forcément conscience que toutes ces données, ben forcément, elles vont aller chez Amazon. Et que donc, il va le savoir, tu vois, même si tu lui dis pas. Il y a énormément de choses comme ça, si tu veux, que tu partages plus ou moins consciemment, on va dire, avec Amazon via Alexa et peut-être pas via d'autres moyens. Tiens, j'ai presque envie de tester quelque chose là pour hacker nos auditeurs en disant par exemple, tiens, si vous écoutez sur des enceintes, peut-être que ça peut marcher. Ok Google, rappelle-moi d'évaluer Tech Café avec 5 étoiles. Bon, on verra si ça marche. Vous me direz si ça a déclenché quelque chose chez vous. On va parler un petit peu d'un acteur dans le monde du ransomware dont on a largement parlé, qui a été dans le feu de l'actualité, notamment en menaçant des pipelines. Réécoutez les précédents épisodes de Tech Café pour bien tout suivre dans l'univers des ransomware. Mais, ça peut être la fin de ce groupe. C'est probablement la fin de ce groupe. Et ce qui est assez cocasse, c'est de voir comment ils ont été arrêtés, parce qu'a priori, ils ont été pris à leur propre piège, Guillaume. Ouais, quelque part. Ouais. En septembre dernier, le FBI avait réussi à hacker Evil, le gang de ransomware. Donc c'est bon, à l'origine des pires campagnes. Hein, on se souvient de Colonial Pipelines, on se souvient de Kaseya, la fameuse, le hack de Kaseya qui avait affecté le monde entier, en fait, indirectement. Donc lors de ce hack, le FBI avait récupéré une clé de chiffrement, des clés de déchiffrement plus exactement d'ailleurs, qu'ils n'avaient pas donné tout de suite aux victimes. Donc ils n'avaient pas donné à leur grande dame, comme on dit. Enfin, comme on dit plus trop en fait, d'ailleurs, mais bon, grande dame 2, mais bon, on s'en fout. Bref, donc effectivement, ils avaient retenu cette clé de chiffrement on ne savait pas vraiment pourquoi, et le pourquoi de ce délai, il s'explique cette semaine, alors que le Happy Blog de Revol sur le Dark Web vient de disparaître. Donc Revol avait disparu, puis avait été rebooté récemment, sous la même marque d'ailleurs, c'était assez bizarre, mais par une autre équipe, hein, vraisemblablement. Or, il semblerait que le FBI, lors de son hack, le hack des hackers, avait compromis les sauvegardes de Revol. Et quand il est revenu en ligne, bah, ils ont utilisé des sauvegardes compromises, et du coup, bah, ils étaient complètement ouverts par une backdoor qui avait été déposée là par les forces de l'ordre. Et donc, oui, par le backup, il a pêché, par le backup, il est tombé. Revol, c'est terminé. Donc, en tant que prestataire de ransomware, Revol semble éteint, pour de vrai, pour l'instant, en tout cas, ça semble vraiment mort. Et c'est vrai que les nouvelles mesures légales qui traitent les ransomware au même niveau que le terrorisme semblent avoir été efficaces. Parce que là, non seulement le FBI a eu le droit de hacker autant qu'il a voulu, hein, il a plutôt les coups des franches, mais en plus, ils peuvent recevoir l'appui direct du Pentagone et de la NSA, si besoin, et de la CIA. Donc d'autres agences gouvernementales, du renseignement, où il y a des spécialistes pointus, évidemment, de trucs. Donc forcément, si le FBI a les spécialistes de la NSA en renfort, ça peut aussi aider. Bon, ça signe pas la fin des ransomware, mais c'est vrai que la contre-attaque s'organise, bon, c'est déjà ça. On va parler, pour conclure cet épisode week-end, de l'effet Dunning-Kruger, qui a été pas mal popularisé dans le cadre des confinements et notamment pour les discussions qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux. Je me rappelle notamment d'une prise de parole d'Étienne Klein sur le sujet. Alors, c'est très délicat, faut faire attention quand on parle de cet effet, parce qu'on peut très très vite en parler n'importe comment. Mais en gros, il y a une forme de corrélation et de lien entre le niveau de connaissance qu'on a d'un sujet et le doute qu'on peut continuer à percevoir de ce même sujet. En tout cas, tu voulais mettre ça en corrélation de notre utilisation de Google, Guillaume. Ouais, alors c'est pas vraiment l'effet Dunning-Kruger. Proprement parlé, ça s'en rapproche, ça le rappelle l'effet Dunning-Kruger, qui effectivement, ouais, qu'on peut résumer comme ça, c'est vrai. En gros, c'est dur de le résumer d'ailleurs, parce qu'il y a plein de subtilités là-dedans, mais bon. Au moins tu connais un sujet, au moins tu as de facilité à connaître l'étendue de ton ignorance. Voilà, tu l'as bien dit, j'adore. Je ne sais pas si tu as cherché une définition. Mais... Donc en gros, au plus tu bosses un sujet, au plus tu te rends compte que le sujet est riche et complexe, Et donc, au plus tu te rends compte qu'il va te falloir de travail et de temps pour le maîtriser un minimum. Et en fait, tout sujet complexe, il est d'autant plus complexe que tu le travailles, quoi, tu vois, je veux dire, bon, c'est pour ça que les doctorats existent. À l'inverse, quand tu commences à regarder un sujet, que t'as compris, que t'as l'impression de comprendre deux ou trois trucs, ben, t'as pas encore conscience de l'étendue de la complexité du truc, t'as pas les capacités de te rendre compte de la complexité du sujet dans lequel tu t'es lancé, et donc t'as pas conscience de ta propre incompétence, et donc t'as tendance à surestimer, tout simplement, tes capacités. Et donc bon, alors, moi ce que je vais parler, je vais parler d'un autre effet qui est pas vraiment celui-là, mais il y a aussi effectivement un effet de surestimation des capacités inconscientes, hein, parce que évidemment tout ça c'est pas conscient, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait du Dunning-Kruger, il n'est pas conscient d'être en Dunning-Kruger. Donc là moi je vais parler d'un truc un peu différent, ça parle de Google Search en particulier, mais bon c'est un peu plus un petit peu plus général que ça, puisqu'on utilise tous énormément la tech, hein, elle nous aide au quotidien pour assister voilà nos fonctions cognitives. Bon, c'est une évidence, hein, y a pas de surprise là-dedans. C'est, voilà, plus personne ne retient de numéro de téléphone. Chaque fois que t'as besoin de savoir un factoid du type, je sais pas, la date de naissance de Scarlett Johansson, bon ben voilà, c'est immédiat. C'est ce genre de truc. Bon, alors, la question qu'on peut se poser par contre, c'est à quel point en avons-nous conscience, voilà, de l'assistanat que nous apporte la technologie. Nous rendons-nous compte à quel point on est assisté et sommes-nous bons juges de nos capacités réelles? C'est-à-dire sans technologie, sans aide. Et pour ça, Adrian Ward de l'Université du Texas a fait plusieurs expériences. Donc, dans la première, tu dois répondre à 10 questions en ayant la possibilité d'utiliser Google. Ensuite, on te demande de juger de tes performances. Mais on ne te donne pas les réponses exactes. C'est à toi de donner ton sentiment, la confiance que tu as en les réponses que tu as eues, que tu as données. On te demande aussi à quel point tu penses réussir un test ultérieur, ou par contre, tu ne pourras pas utiliser Google. Dans les deux cas, ceux qui ont utilisé Google ont largement plus la confiance que ceux qui ont utilisé uniquement leur mémoire. Si on donne les bonnes réponses aux participants, qui peuvent donc voir s'ils ont effectivement bien répondu ou pas, ça change rien, c'est la même chose. Ceux qui utilisent Google se pensent meilleurs que ceux qui n'ont pas pu l'utiliser. Pourtant, quand on fait effectivement le test plus tard sans Google pour personne, ben les deux groupes répondent aussi mal l'un que l'autre. Donc il n'y en a pas un qui est vraiment meilleur que l'autre. Et donc, il y en a un qui surestime ses capacités. Donc, le simple fait d'avoir la possibilité d'utiliser Google amène à une surestimation des capacités. Et pour quantifier à quel point utiliser Google te donne le melon, ben on a appris encore un autre groupe qui ne pouvait pas utiliser Google. Par contre, on leur a dit à eux qu'ils avaient fait juste à 80% à leur questionnaire, quel que soit le résultat réel. On les a mis tôt. Voilà, ils sont très bons. On leur a dit, vous êtes très bons. Bon. Eh bien, ils ont eu à peu près le même sentiment de supériorité que ceux qui avaient eu le droit d'utiliser Google dans le test. Donc, c'est quand même assez fort. Tu te rends compte, hein, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, cette confiance surdimensionnée, elle s'évapore, par contre, si on fait le test, en demandant aux participants d'écrire d'abord sur une feuille les réponses qu'ils trouvent tout seuls, avant de les laisser utiliser Google. Là, ils se rendent compte, en fait. Ils essaient d'écrire des trucs, ils n'y arrivent pas, ils se disent « Ah ouais, bon, ben non, en fait, je ne suis pas si bon que ça. » Là, ils prennent conscience que ce n'est pas eux qui savent, que c'est Google qui leur dit. Mais sinon, il semble bien que les participants n'aient pas clairement conscience d'à quel point ils utilisent l'outil. Alors, l'effet s'amenuise sans disparaître totalement si on rend la recherche plus lente. Donc, par exemple, quand tu fais la recherche, tu as un délai de 25 secondes avant que la réponse arrive. Okay. Donc là, ça amenuise un peu l'effet, mais ça ne le fait pas disparaître totalement. Donc, en gros, si les gens se pensent meilleurs à tort en utilisant Google, c'est qu'ils n'ont pas conscience que les réponses ne viennent pas d'eux, tout simplement. Enfin, en tout cas, qu'une bonne partie des réponses ne venaient pas d'eux. Donc, une raison, ça pourrait être que Google offre une source de savoir qui est donc immense, hein, et qui est d'accès immédiat. Parfois, tu n'as même pas fini de taper la requête que tu as déjà la réponse. Absolument. Ouais. Peut dire à quel point c'est rapide. Du coup, l'effort mental de retrouver l'information, il est tellement faible qu'il se confond avec celui de se souvenir nous-mêmes de quelque chose. Parce que quand tu cherches une réponse, il y a un coût. Chercher dans un bouquin, c'est long, c'est un coût assez élevé, c'est long, c'est fastidieux. Même demander à quelqu'un, tu vois, parce qu'il faut chercher quelqu'un à demander, il faut lui demander, etc. Bon, il y a un coût. Et en comparaison, se souvenir d'un truc soi-même, même si on met quelques secondes à s'en souvenir, c'est quand même plus facile, le coût est quand même moins élevé. Et alors, avec Google, ben, le coût, il est très très faible. Il est tellement faible qu'il rejoint presque l'immédiateté de la pensée propre. Du coup, ben, on peut perdre conscience de ses limites jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réseau. Et là, tu reprends violemment conscience de tes limites. Effectivement, quand on capte pas le Wi-Fi ou la connexion cellulaire, on se sent effectivement probablement très démuni par rapport à ces questions-là. Eh ben, c'est intéressant parce que j'aime bien, moi, quand on approfondit un petit peu les biais dont on est pétri. Et là, ça en est quand même un joli qui illustre bien notre quotidien. Vous y repenserez la prochaine fois que vous chercherez la date de naissance de Scarlett Johansson sur Google. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de l'émission hebdomadaire et donc de ce supplément du week-end de Tech Café. C'était une rubrique que tu as savamment intitulée « C'est malin ». Je pense que ça résumait très bien cet épisode et ces news. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous découvrez Tech Café, bien évidemment, restez abonné et écoutez sinon le précédent, au moins le prochain épisode de Tech Café qui sortira dans quelques jours. Guillaume, tu peux nous rappeler enfin où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Écoute, probablement sur Google, en train de chercher d'autres trucs que j'aurais pas pu me souvenir et que dont je serais persuadé de m'être souvenu après. C'est une certitude, j'en suis convaincu. Merci beaucoup Guillaume, moi c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.